réajuster sa trajectoire. Un individu qui vit un processus de conscientisation est appelé à réajuster sa trajectoire de vie en tant qu'ego. Donc, réajuster sa trajectoire puis être ouvert à le faire, c'est fondamental parce que c'est ce qui permet à la personne de monter en vibration, d'intégrer davantage sa conscience et de connaître des changements vibratoires. Donc, réajuster sa trajectoire, ça peut passer par différents moyens. Moi, en tant qu'ego, il y a plusieurs jours, j'ai eu à réajuster ma trajectoire et ça s'est fait avec une critique constructive qu'a amené une personne qui écoute mes enregistrements. Elle m'a écrit plusieurs commentaires qui m'ont amené des réajustements et j'ai beaucoup de gratitude pour elle d'avoir agi ainsi. Et je la salue là, naturellement là, si cette personne m'écoute parce que ça m'a permis de m'ajuster et de sortir d'une forme d'enlisement. Donc, je tenais à le mentionner. Et c'est sûr que s'il y a présentement des gens qui m'écoutent, qui veulent amener des critiques constructives et vibratoires, j'insiste sur ces mots. Constructif, c'est pour aller plus loin dans une compréhension. Donc, se construire à un niveau plus élevé. Donc, à ce niveau-là, c'est dans le cadre d'un développement. Et vibratoire, ben c'est pour rehausser le taux vibratoire de la personne qui est l'objet de la critique. Donc, si vous avez des éléments qui peuvent m'amener plus loin dans ma compréhension du réel et me sortir de certaines formes, oui, vous êtes les bienvenus pour le faire, mais il faut que ça soit dans le respect et constructif et vibratoire. Donc, ceci dit, cette petite mise en contexte est faite parce que j'ai bénéficié de plusieurs commentaires du public au fil du temps, dont cette personne en particulier. La personne m'a amené à travers ses propos, entre autres, contester le fait que j'avais réalisé là, il y a plusieurs semaines des enregistrements où ce que je visais à utiliser des affirmations, faire notamment là, des bénédictions. Et ce que j'ai eu à faire en prenant connaissance de son propos, ben, c'est de le prendre en considération puis de l'évaluer avec ma sensibilité. Et j'ai fait de l'introspection, puis j'ai été obligé d'admettre que ça manquait d'ajustement, mon approche. Et plus particulièrement, je dois avouer que derrière certaines bénédictions que je faisais, donc affirmation à voix haute dans l'optique de commander à l'univers, eh bien, il y avait de la peur derrière ça. Tu sais, c'est sûr que si je bénis ma longévité, donc de vivre longtemps, c'est parce qu'implicitement, ça peut sous-entendre qu'en tant qu'ego, j'ai peur de ne pas vivre longtemps. Donc, si je vois que je vis moindrement la peur derrière une affirmation faite à voix haute, ben là, je suis obligé de reconnaître que je suis astralisé. Et là, qu'à travers mon désir de bénir ou de faire des affirmations ou même d'utiliser des suggestions auto-hypnotiques, ben il peut y avoir de la peur qui m'amène à recourir à ces formes pour me sécuriser. Or, la forme ne donnera jamais une sécurité réelle à l'ego. Parce que la forme est un support temporaire, transitif, et c'est pas parce qu'on utilise une forme que ça va nécessairement se réaliser dans le réel comme support, comme béquille à l'ego pour se donner un sens d'identité en relation avec l'expression d'une volonté de contrôler l'environnement. Et de toute façon, l'ego en tant que tel, eh bien, il est confronté à des programmations qui l'échappent. En ce sens que c'est sûr que quelqu'un peut bénir sa longévité, il peut le faire une fois, 20 fois, 36 fois, mais si sa programmation ne va pas dans ce sens-là, quand même que la personne passe des heures, bien ça ne s'actualisera pas pour autant. Donc, c'est sûr que c'est la nuance là, par rapport à ça. Et ce qu'il faut réaliser aussi, c'est la nature réelle de l'ego. Et c'est sûr qu'en tant qu'individu, ça me déplaît de regarder ça. Parce que en tant qu'ego, bien, je veux utiliser le maximum de pouvoir, de capacité que j'ai dans l'optique d'améliorer mon sort. Et c'est sûr que de réaliser que des éléments qui m'échappent, que des programmations qui sont en relation avec d'autres réalités qui ont de l'impact sur la mienne, comme par exemple l'esprit, le plan éthérique qui a une incidence sur ma vie, qui m'amène à être confronté à des événements chocs que je n'ai pas choisi, que je n'ai pas désiré comme plusieurs personnes, m'amène à être obligé de réajuster mon tir. En ce sens que l'ego, par exemple, sous l'influence astrale, peut vouloir quelque chose, mais si le plan éthérique évalue que ce n'est pas ajusté que l'ego veuille ceci, il ne sera pas supporté par la vibration éthérique pour cet élément s'actualise, ce qui va faire en sorte que l'ego sous influence astrale peut se mettre à prier, peut se mettre à réciter des mantras, peut se mettre à bénir, peut se mettre à utiliser des affirmations. Mais si l'esprit, dans le fond, ne donne pas son support vibratoire à la manifestation de l'élément invoqué par l'ego, eh bien l'élément ne s'actualisera pas. Et aussi l'ego doit réaliser que ce qui se réalise, eh bien, c'est pas lui seul qui le décide. En ce sens que l'ego, pour qu'il y ait un élément qui intercepte psychiquement à travers la pensée qui vient d'ailleurs, pour que ça se réalise, bien, il faut que l'élément soit supporté vibratoirement par l'esprit. Donc, un individu, par exemple, peut avoir l'information il va, dans le fond, recevoir un montant d'argent important dans les prochains jours. Et là, s'il reçoit l'information, puis ça provient de l'esprit, en effet, ça peut s'actualiser. Mais dans ce cas-ci, c'est que la personne a eu une information relative à une programmation qui était prévue arriver. Tandis que si l'ego dit « Ah, ben moi, je vais avoir un montant d'argent important, je vais visualiser que j'ai un montant d'argent important pour l'obtenir », et que la personne n'est pas supportée vibratoirement par l'esprit pour ça, bien, ça ne s'actualisera pas. Pourquoi? Bien, parce que la volonté derrière l'ego n'est pas réelle. C'est en relation avec les entités du plan astral et qui n'ont pas le pouvoir de manifestation créative à la différence de celui de l'esprit. Et si l'esprit évalue que pour un ego, c'est plus intelligent qu'il n'ait pas accès à un montant important d'argent dans les prochains jours, bien, à ce moment-là, l'esprit ne créera pas de programmation qui aura préséance sur celle astrale pour que le montant d'argent arrive à l'ego. Donc, c'est assez subtil parce que l'esprit a toujours le dernier mot par rapport à une programmation que l'ego connaît, puis un droit de veto. En ce sens que l'ego, sous influence astrale, pourrait répéter 20 fois ou 20 000 fois qu'il visualise qu'un montant d'argent, puis qu'il veut que ça s'actualise, puis il suffit de le visualiser suffisamment fort pour que ça se manifeste dans la matérialité. Mais si l'esprit le supporte pas vibratoirement, ça demeure juste du babillage intellectuel que la personne fait, dans son mental, et ça ne donnera pas de résultat. Par contre, si l'ego est mis en vibration par l'esprit pour tasser l'astral, qui l'amène à vouloir passer son temps à faire de la prière, des utilisations d'affirmations qu'il croit créatives, bien, l'esprit va amener l'ego à déloger l'astral puis arrêter ce comportement si la personne est mise en vibration pour ça, puis que l'ego est réceptif à sa voix intérieure qui lui dit « ben ça va faire ». Bon, ben c'est souvent à travers la souffrance ou le fait que certains commandent à l'univers que l'ego a voulu faire ne s'actualise pas. Par contre, c'est sûr que si, par exemple, l'individu est mis en vibration pour parler certaines choses, oui, la parole peut avoir un impact sur le réel parce que tout est interrelié. Par contre, pour en revenir à ce stade, eh bien, il faut que l'ego ait un taux vibratoire suffisamment élevé pour avoir... En fait, plus que l'ego est capable de canaliser de la vibration qui provient du plan éthérique, puis plus qu'il peut avoir une incidence qui est grande sur le plan physique. Par contre, ce qu'il va manifester, c'est une parole qui est ajustée à l'esprit. Donc, le désir subjectif va être neutralisé. Ce qui veut dire que rendu à ce stade, l'ego n'aura plus de désir subjectif comme il pouvait avoir autrefois. Donc, autrement dit, l'ego inconscient, il peut vouloir gagner un montant d'argent très élevé à la loterie. Il peut vouloir par la suite rencontrer des vedettes du domaine de la musique. Il peut vouloir par la suite voyager à Hollywood pour aller les voir en personne, les vedettes. Il peut avoir vouloir ci, vouloir ça. Et ce qui arrive, c'est qu'à mesure que la vibration éthérique pénètre l'ego, eh bien, ça défait toutes les attaches que l'ego pouvait avoir avec le plan astral pour l'amener à désirer des choses qu'il voulait en relation avec l'influence d'entité astrale sur sa psyché, alors qu'il était inconscient de cette influence qui se faisait à son insu. Puis plus qu'il se détache de ça, et plus que ce qu'il veut devient arrimé avec le vouloir de l'esprit. Donc, autrement dit, si à la base, l'esprit qui se rattache à un ego veut que l'ego rencontre des gens à des fins d'ajustement vibratoire, ça, c'est la volonté à la base. Puis l'ego, quand il est inconscient, ben il veut pas rencontrer n'importe qui. Hein? Il veut rencontrer des vedettes du domaine de la musique, du cinéma, pour leur demander l'autographe parce qu'il n'y a pas d'identité. Bon, ben à mesure que l'ego développe une identité, finalement, l'idée de rencontrer des vedettes pour, dans le fond, avoir leur autographe, puis « Hey, moi, je l'ai rencontré, je suis quelqu'un », donc vivre par procuration à travers l'identité de quelqu'un que la personne met subjectivement sur un piédestal n'est plus là. Donc, autrement dit, la personne qui se conscientise aura moins le besoin d'avoir une confirmation identitaire par rapport au fait qu'elle a rencontré une vedette de la musique ou d'une vedette du cinéma en personne pour dire « Ah, ben moi, tu vois, j'ai rencontré telle personne lorsque j'ai été en voyage aux États-Unis, puis tu sais, la personne peut montrer son autographe, puis elle peut sentir valorisée à travers ça au niveau de l'ego, tandis que la personne qui est consciente n'a plus besoin de ce type de valorisation subjective pour se sentir exister et être. » C'est sûr que la personne qui se conscientise peut être récupérée sur le plan spirituel. Puis là, au lieu de vouloir rencontrer en personne une vedette de la musique rock, eh bien, c'est de rencontrer le Dalai Lama, qui est une figure reconnue dans le domaine de la haute spiritualité, ou de rencontrer certaines personnes qu'on dit être des moines ou des maîtres spirituels. Donc, la personne peut vouloir aller rencontrer un maître spirituel en Inde au lieu d'aller rencontrer une vedette du cinéma Hollywood. Donc, le désir peut changer en cours de route, mais si fondamentalement la programmation de la personne, c'était l'amener d'arrêter de vouloir désirer, de rencontrer des gens subjectivement pour des raisons de popularité, puis de s'affilier à cette personne-là pour avoir un sens d'identité, bien tout ça va être mis à terre progressivement. Ce qui veut faire en sorte que lorsque la personne était naïve à pouvoir vouloir, dans le fond, avec des affirmations, bénir, puis invoquer le Seigneur ou invoquer les puissances cosmiques pour que lorsqu'elle va aller à Hollywood, elle ait le plaisir de rencontrer sur place en personne une vedette pour demander son autographe, se prendre en photo avec elle. Puis à mesure qu'elle se conscientise, ben le désir s'estompe progressivement de ça. Et là, elle veut d'autres choses, parce que la nature a horreur du vide. Et la personne, à force de dépolluer au niveau de l'ego, ben ça se peut qu'à un moment donné, elle veut rencontrer une vedette de la haute spiritualité. Puis à un moment donné, elle sature de tout ça, puis elle ne veut plus rencontrer du tout de vedette. Elle ne veut plus rencontrer de maître, et elle va à la rencontre d'elle-même. Et elle change. Donc, autrement dit, la personne, lorsqu'elle est inconsciente, elle peut vouloir des choses et ça devient logique à ce moment-là de comprendre que c'est intelligent que ces choses-là ne se réalisent pas. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est inconscient peut vouloir, par exemple, devenir multimillionnaire et faire des affirmations à ce centre pour s'actualiser. Mais si l'esprit évalue que c'est pas intelligent que la personne ait accès à plein d'argent parce que son ego demeurerait à ce moment-là en puissance, et que la personne ne serait pas ouverte à des ajustements créatifs, ben à ce moment-là, l'esprit va s'arranger que ça n'arrive pas. Ou si la personne gagne à la loterie, créer des concours de circonstances où elle va perdre rapidement l'argent. Pourquoi? Parce que le souci de l'esprit, c'est pas que l'ego soit riche sur le plan financier, c'est que l'ego soit ajusté, ce qui est pas pareil. Et puis, il est possible que la même personne, à mesure qu'elle se conscientise, ben finalement, le désir de devenir multimillionnaire en gagnant un montant à la loterie s'estompe et la personne veuille tout simplement avoir la paix de l'esprit qui prend le relais comme désir fondamental. Donc, la personne, lorsqu'elle est inconsciente, elle peut vouloir être riche, rencontrer des vedettes et progressivement, elle se dépouille de tout ça et le vouloir change. Ce qui fait en sorte que si la personne aurait actualisé en utilisant sa volonté subjective, certains désirs, ben, elle serait gardée dans une boucle involutive, puis elle ne pourrait pas réajuster sa trajectoire, parce que si la personne est inconsciente puis elle veut quelque chose, bon, ben, le fait que son vouloir se réalise, ça la maintient dans l'inconscient. T'sais, quelqu'un qui veut être riche, puis la personne devient riche, Pourquoi par la suite s'ajuster en tant qu'ego à différentes personnes et écouter sa petite voix intérieure? Mais non, la personne est bien, elle a ce qu'elle veut. Donc, pourquoi apporter des changements? Mais non. Quand les gens ont ce qu'ils veulent habituellement, ils ne sont pas intéressés à s'ajuster ou apporter des changements. C'est lorsque la personne manque de quelque chose, c'est lorsque la personne souffre qu'habituellement elle va apporter des changements. Puis c'est lorsque la personne n'est pas ajustée à l'esprit. C'est sûr que lorsque la personne est dépouillée de l'astral et son affiliation psychique en tant qu'ego à ce plan d'énergie en voie d'évolution, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, la personne, le désir subjectif disparaît et elle n'a plus besoin de souffrir pour se dépouiller de l'astral parce que l'astral n'est plus en elle. Mais là, il faut que l'ego soit transparent. Et là, à partir de cette réalité de transparence entre elle et le plan éthérique, où l'astral ne fait pas interférence entre les deux comme un intermédiaire parasitaire, bien là, c'est sûr qu'à ce niveau-là, la personne n'a plus besoin de souffrir pour s'ajuster à l'esprit si elle est ajustée à l'esprit. Donc, ça, c'est des réalisations. Et c'est sûr que ce qui peut être réalisé aussi, c'est qu'une personne, à un moment de sa vie, elle va prier ou elle va bénir ou elle va faire réciter des mantras dans l'optique d'avoir certaines choses. Puis, elle a vu des chocs de vie, puis finalement, elle ne veut plus nécessairement les mêmes choses. Et les choses s'ajustent avec le temps. Mais si la personne était parfaitement ajustée en fonction de ce qu'elle a à vivre, en fonction de l'esprit, elle n'aurait jamais demandé certaines choses dans son passé parce qu'elle réaliserait que c'est pas, dans le fond, intelligent de le faire. Puis de faire ça, ça nourrit l'astral en elle puis le désir subjectif. Mais il y a des passages obligés qui sont faits par un ego qui ne peut pas s'ajuster spontanément. Donc, il y a plusieurs années, j'ai eu des échanges avec Marc de la Salle. En fait, je l'ai interviewé là, pendant près de 9 ans de ma vie. J'ai eu différentes communications avec lui qui s'adressait au public dans le cadre d'entrevues que j'ai faites. Donc, vous pouvez en retrouver d'ailleurs plusieurs sur Internet. Et l'une des fonctions de ces entretiens était pour moi de connaître des ajustements de sa part. C'est sûr qu'il y avait une alliance psychique entre nous deux qui visait à faire un travail vibratoire et je posais des fois des questions à Marc et puis Marc faisait des fois des commentaires, etc. Mais la volonté derrière ça, c'était toujours d'amener la vibration plus loin dans une perspective d'ajustement. Et Marc, au fil des ans, m'a amené beaucoup d'ajustements. Donc, j'ai fait des entrevues avec lui de l'année 2011 à 2020, sauf que en 2020, il est mort. Et là, je l'avais plus dans ma vie pour amener ces ajustements-là. Fait que là, je suis dans une situation ben, que, dans le fond, j'ai fait un travail avec lui. Puis bon, à quelque part aussi, à un moment donné, Marc, il avait pas à m'ajuster éternellement, là, tu sais. J'ai bénéficié de son intelligence, de sa présence, de sa capacité de perception vibratoire et de dévoilement de l'astral qui pouvait être présent à travers ma parole, mes ajustements pendant plusieurs années, puis me réajuster. Sauf que une fois qu'il est mort, ben il y a des éléments sur lesquels j'ai recommencé à me désajuster. Et c'est sûr qu'à un moment donné, ben, je m'enlisais là, dans l'utilisation d'affirmations, de bénédictions, etc. Et là, il n'était plus là pour me remettre en question, me contester et m'amener une critique vibratoire constructive en la matière, comme il l'avait déjà fait. Et à ce moment-là, ben, j'avais tendance à m'enliser. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a vu faire et puis il m'a confronté créativement. Et là, j'ai eu à me réajuster. J'ai eu, en tant qu'ego, à me regarder. Être capable de mettre l'ego sur la table, comme disait Marc, il utilisait souvent cette expression-là, c'est-à-dire regarder son ego. Regardez si ce que fait votre ego est réel. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que ça participe à votre développement? C'est quelque chose de fondamental à faire parce qu'on peut s'enliser. Parce que là, Marc m'avait contesté dans le passé en lien avec un comportement. Ensuite, il n'est plus là pour m'ajuster. Bon, mais ben, sous influence astrale, j'ai recommencé à faire ce comportement, un peu comme quelqu'un qui fait une rechute de quelque chose. Et là, j'ai été confronté, puis là, j'ai été obligé de reconnaître, ben oui, c'est sûr que, par exemple, la question de la longévité, si la personne est programmée pour vivre longtemps, quand même qu'elle passe 10 ans, 20 ou 30 ans à bénir sa longévité et sa grande santé, ben c'est marqué pour vivre longtemps au niveau de l'esprit, ben c'est ça que fondamentalement qui détermine ce qu'elle va vivre. Puis lorsque la personne fusionne avec l'esprit, ben elle réalise l'intelligence de sa programmation et elle est capable de l'assumer totalement dans un état de transparence d'ego. Mais tant que l'individu est sous influence astrale, il peut pas pleinement assumer sa programmation parce qu'il y a un décalage énergétique entre lui et le réel de sa programmation et le désir astral de vouloir quelque chose qui n'est pas en relation que la programmation fondamentale qu'il a, qui le relie au plan éthérique, peut faire interférence. Ce qui va faire en sorte que l'ego peut être amené à désirer des choses qu'il veut pas. Et tant que l'ego est ouvert à l'astral et à son langage de séduction, ben à ce moment-là, l'ego peut être manipulé par ce plan de réalité pour passer du temps à désirer des choses qui ne sont pas réelles. Et lorsque l'ego est occupé à faire ça, ben il ne fait pas d'autre chose de manière créative. Tu sais, c'est sûr, si la personne passe 4 heures par jour à faire des activités de visualisation, de bénir, etc., bon, ben, elle n'utilise pas ce 4 heures de temps pour, par exemple, apporter des ajustements créatifs dans sa vie ou s'occuper de maintenir son corps physique en bonne forme et de s'entraîner en salle pour que l'état du corps physique soit en bonne santé. Donc, la personne, à ce moment-là, elle va gaspiller dans un sens de l'énergie qui pourrait être utilisée ailleurs. Par contre, dans un sens, il faut que la personne sature aussi de son expérience puis de réaliser les limites de cette dernière. En ce sens que quelqu'un, par exemple, peut bénir son éternelle jeunesse, mais si la personne réalise que ben finalement, j'ai un cheveu blanc qui apparaît ici, j'en ai un autre, et ainsi de suite, bon, ben finalement, c'est la personne bénie pour qu'elle ait des cheveux de couleur sur sa tête et que les cheveux blancs apparaissent de plus en plus au fil des mois, ben, elle est obligée de reconnaître que finalement, ben, ça marche pas. Ça donne pas le résultat escompté. Et c'est sûr que si la personne est orgueilleuse, ben, elle peut dire, ah, ben, c'est parce que je bénis pas assez. Fait que je vais continuer puis je vais continuer plus fort. Elle peut s'entêter dans un comportement, mais si la personne réalise que, ben, finalement, je vieillis comme tout le monde, hein, j'ai des cheveux blancs qui apparaissent, ben, là, est obligé d'en venir à l'évidence que présentement elle n'a pas le taux vibratoire pour que, dans le fond, sa volonté puisse s'actualiser dans la matière. Et c'est sûr que par rapport à ça, ça me fait penser à Marc de la Salle qui me dit que l'individu présent n'a pas accès au loyer d'énergie pour commander à la matière. Par contre, c'est sûr que dans un lointain futur, il est possible que des êtres humains aient suffisamment intégré l'énergie de l'esprit pour qu'ils en viennent à ce stade. Par contre, le point, lorsqu'ils vont en venir à ce stade, eh bien, ils n'auront plus de désirs subjectifs comme les individus de l'époque présente. Parce qu'aujourd'hui, si les gens pouvaient commander à la matière, ben, ils pourraient avoir des dérapages égoïques que ça pourrait entraîner. En ce sens que de commander des choses qui, sur le plan systémique et universel, ne font pas sens. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui est pris au piège dans une idéologie de fanatique religieux et qui aurait la possibilité d'être immortel sur le plan physique. La personne ne vieillit plus, elle n'a plus de cheveux blancs qui apparaît. Et elle est sous influence astrale, puis l'entité astrale, ce qu'elle cherche à faire, c'est d'amener tous les êtres humains à se soumettre à une doctrine à caractère religieuse et de forcer la conversion des gens à cette doctrine. Donc, imagine la personne qui est dogmatique, qui est rigide, qui est extrémiste et qui, dans le fond, cherche à convertir tous les gens à une croyance pour qu'ils s'y soumettent. Et cette personne-là est tellement radicalisée qu'elle va tuer les gens qui ne veulent pas ne se soumettre à la croyance parce qu'elle, elle croit être dans la vérité et faire le bien en agissant ainsi. Donc, en tuant les gens qui n'adhèrent pas à sa doctrine. Imaginez tous les dégâts qu'elle peut faire. Donc, c'est sûr que la personne qui n'a pas un mental ajusté sous influence astrale, s'il lui suffirait qu'elle décide subjectivement d'être immortelle pour le devenir, ben imaginez qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme dégât si elle se donne comme mandat de convertir tous les êtres humains de la Terre à son idéologie et d'amener tous les gens à se soumettre à sa volonté qui elle-même est soumise à son insu à une entité astrale qui cherche à alimenter certaines formes dans le mental humain pour les contrôler et se sentir en puissance en agissant ici. Et c'est particulier tout ça. Donc, c'est sûr que lorsqu'on approfondit certains enjeux, on réalise des fois l'intelligence que des gens n'aient pas tout ce qu'ils veulent maintenant. Et ça mène à réajuster la trajectoire. Mais tout ça pour vous dire que tant que l'ego a la capacité de réfléchir, tant que l'ego peut être confronté à des entrées astrales, tant que l'ego côtoie l'astral dans son quotidien, que ce soit à travers des personnes, que ce soit à travers des sites web, l'ego peut être potentiellement astralisé, être récupéré par ce plan de réalité. Et les ajustements qui peuvent être faits peuvent être à refaire, parce que l'ego peut faire des rechutes. Un ego, par exemple, qui a un problème de dépendance à l'alcool, qui est alcoolique, bon, ben, quelqu'un peut faire un sevrage de consommation d'alcool et faire une thérapie fermée qui dure pendant plusieurs semaines dans un centre de désintoxication. Par la suite, la personne sort de la thérapie, mais si la personne ne travaille pas, elle a peu d'amis, ben, puis elle s'ennuie, ben, ça se peut qu'elle retombe dans l'alcoolisme. Et par la suite, ben, l'ego peut réaliser que ouais, finalement, ce n'est pas intelligent d'agir ainsi si elle souffre de l'alcoolisme, puis là, elle est obligée de refaire une autre thérapie, une autre période de sevrage. Et par la suite, elle peut ressombrer, elle peut faire le yo-yo, elle peut faire... du sevrage, de la consommation d'alcool, sevrage, consommation d'alcool. Pourquoi il y a une rotation comme ça? C'est parce que d'un côté, le plan éthérique va chercher à amener l'ego à se libérer de la dépendance de la forme que représente l'alcool. Et c'est lorsque l'ego souffre, ben, il est mis en appointement psychique avec le plan éthérique qui l'amène à arrêter de consommer de l'alcool. Par contre, lorsque l'ego ne souffre plus de l'alcool parce qu'il a fait sa thérapie, ça se peut qu'il souffre de la solitude qu'il vit dans sa vie et pour compenser cette dernière, eh bien, il va se remettre à boire de l'alcool et là, il est récupéré par l'astral. Donc, l'esprit peut lui dire intérieurement d'arrêter de boire de l'alcool puis lorsqu'il souffre, il est à l'écoute du signal. Lorsqu'il souffre plus des problèmes liés à la consommation d'alcool comme le mal de tête, l'envie de vomir, le plan astral peut lui dire dans la tête, bon, ben, consomme de l'alcool, tu vas avoir du fun. Mais ça y parlera sous la forme du jeu, parce que l'entité astrale va chercher à se voiler en utilisant un jeu réflectif induit dans le mental psychologique de l'individu. Ça va lui dire à peu près ceci. Je vais boire de l'alcool, là, je vais me sentir bien en boyant de l'alcool, là, ça va me donner du fun. Bon, ben, la personne, elle pense que c'est elle qui pense, donc elle va boire de l'alcool pour se donner un sentiment d'exister. Et par la suite, bien, elle n'écoute pas la voix de l'esprit. Et là, elle va le souffrir, elle peut avoir des goûts de vomir. Ensuite, la gueule de bois le lendemain, elle se sentir fatiguée, manquer d'énergie, etc. Si elle abuse de l'alcool. Et par la suite, qu'est-ce qui va arriver lorsqu'elle souffre de tout ça? Elle va dire, « Ouais, j'aurais dû écouter la voix intérieure qui me disait d'arrêter ou de m'en prendre moins avec modération. » Puis là, le manège entre l'esprit et l'astral peut se faire pendant longtemps parce que d'un côté, l'ego peut être pénétré par l'astral, ensuite pénétré par l'esprit, pénétré par l'astral, pénétré par l'esprit. Et c'est sûr que l'ego, éventuellement, lorsque saturé de l'astral, bien à ce moment-là, il va arrêter le comportement qui le lie psychiquement au plan astral, mais ça va prendre souvent une saturation expérielle par rapport à plusieurs souffrances. Autrement dit, la personne, par exemple, qui a un problème de consommation d'alcool, si elle perd un emploi parce qu'elle n'est pas capable de donner son plein rendement, est pris au travail à boire pendant les pauses de l'alcool ou elle travaille en état d'ébriété, bon, ben si elle perd une fois son emploi, bon, peut-être qu'elle va recommencer de l'alcool en disant « Ah, ben là, ça ne se reproduira plus, l'employeur va être plus ouvert, blablabla. » Puis là, finalement, elle perd son travail. Là, quand ça fait 3 ou 4 fois que la personne perd son travail, l'ego, à un moment donné, est obligé de devenir plus transparent. Et lorsqu'il souffre suffisamment de la condition, il va développer une volonté qui est le fruit de la souffrance, Donc, il va transmuter la souffrance vécue en puissance de volonté de dire « non, ça suffit ». D'être capable de mettre son poing sur la table et de dire « non, ça suffit la consommation d'alcool ». Et à ce moment-là, de se libérer de la dépendance qu'il a par rapport à ça. Mais une fois que c'est fait, l'ego, dans le fond, il n'est pas au bout de ses peines avec le plan astral. Parce que le plan astral peut essayer de le récupérer. Puis là, ce ne sera plus la consommation d'alcool, la dépendance. Ça peut être la prière, ça peut être l'utilisation de phrases hypnotiques, de bénédictions, etc. Fait que là, il peut être récupéré par d'autres choses, de plus subtiles puis de moins pernicieux sur le plan physique. Parce qu'on s'entend, quelqu'un qui a un problème de consommation d'alcool, puis la personne a le goût de vomir, puis est toute fatiguée, elle a un malaise physique important, les conséquences biologiques sont beaucoup plus grandes que la personne qui va utiliser des affirmations, qu'elle croit créative, puis elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Autrement dit, l'impact, le contre-coup de l'agissement est moins grand. Et là, la personne peut être récupérée par rapport à certaines autres choses. Parce que la personne qui se libère d'une affiliation avec le plan astral, ben le plan astral, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est de reprendre la part de marché qu'il a perdue puis de récupérer l'ego autrement avec d'autres choses qui vont le fasciner. Donc, quelqu'un peut sortir d'un problème de consommation de drogue, d'une dépendance au jeu de hasard, dépendance à différentes formes de drogue, puis être récupéré par des éléments qui vont le spiritualiser. Et faire en sorte que la personne s'enferme avec d'autres formes. Et c'est sûr que à force de souffrir de l'enfermement lié à des formes qui limitent l'ego, qui l'aveuglent, qui ne donnent pas le résultat escompté, ben l'ego qui voit clair par rapport à ce qui se passe sature de la situation. Et là, à ce moment-là, l'ego qui est suffisamment transparent réajuste sa trajectoire. Et c'est du cas par cas. Chaque personne, en fonction du niveau de souffrance que la personne est capable de contenir, ben c'est ça qui va déterminer si ça va prendre ou non beaucoup de temps pour réajuster sa trajectoire. Quelqu'un, par exemple, peut faire une thérapie pour arrêter de consommer de l'alcool et ça va fonctionner et la personne n'en prendra plus de sa vie. Une autre personne, ça va prendre 2 thérapies, une autre, ça va être 4, et ainsi de suite. Puis la personne peut faire des rechutes. Et la rechute est en relation avec un manque d'intégration. C'est sûr que l'ego, à quelque part, doit réaliser qu'il y a des choses qui doivent saturer. Et c'est sûr que des fois, la personne, ça va prendre, certains cas, une couple de jours, d'autres une couple de semaines, une couple de mois. Et l'important, c'est que l'ego se voit aller. C'est sûr que ça sert à rien de se culpabiliser par rapport au passé. Tu sais, quelqu'un peut dire « Ah, ben moi, je me sens coupable, j'ai fait 3 rechutes de consommation d'alcool ». Une autre, j'ai fait 4 rechutes dans la haute spiritualité. Non, ça ne sert à rien de se culpabiliser par rapport au passé parce qu'on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas agir dessus. Par contre, ce qui est intelligent, c'est de regarder ici maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour être bien dans sa peau puis vivre la paix mentale. Donc, si la personne réalise que de consommer de l'alcool à outrance ou de la drogue ou de se lancer dans des états de suggestion hypnotique ne lui donne pas... la paix mentale, bon, ben la personne doit agir en conséquence et arrêter le comportement qui l'empêche d'être bien dans sa peau. Puis plus que la personne devient sensible, puis plus qu'elle peut souffrir rapidement d'un manque d'ajustement, et plus elle peut voir clair par rapport à cette dernière. Et comme elle souffre rapidement, ben la volonté qui est le fruit de la souffrance vécue consciemment peut se créer en son sein pour être capable d'affirmer haut et fort non par rapport à tel comportement qui est délétère par rapport à ma personne, qui parasite mes énergies, qui est retardataire, c'est-à-dire qui me retarde dans mon développement et m'empêche d'utiliser mon énergie à meilleur escient. Donc, plus que l'ego devient conscient, puis plus qu'il va limiter, éliminer les pertes d'énergie. Par contre, dans le processus, ça peut prendre une certaine période de temps pour qu'un ego transitif se conscientise, d'où l'importance de bénéficier et de prendre en considération l'éclairage des gens de l'environnement. Donc, une personne peut avoir un individu significatif dans son environnement qui l'a ajusté pendant des années, mais c'est sûr que si la personne décède ou n'est plus là sur la Terre, ben là, il faut que la personne soit capable de continuer à s'ajuster. La personne peut le faire à une certaine mesure par rapport à elle-même lorsqu'elle est transitive. Par contre, tant et aussi longtemps qu'elle a de l'astral, bien, à travers sa personne, bien, elle ne voit pas totalement clair par rapport à elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des aspects d'elle-même qui lui sont voilés, ce qui fait en sorte qu'elle a besoin de l'intelligence des autres. Et en lien avec ça, ce que je dois dire, c'est qu'un des plus grands apports que m'a donné de faire des enregistrements sur le web, d'écrire des textes à travers les échanges du public, c'est l'éclairage des gens par rapport à certains propos que je vais prendre en considération. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui m'amènent des critiques constructives, comme je le disais d'entrée de jeu dans le cadre de l'enregistrement, et qui m'amènent à voir plus clair par rapport à certains éléments, eh bien, vous êtes les bienvenus pour le faire. Et c'est la raison, entre autres, qui fait en sorte que, dans le fond, je fais des enregistrements où je suis dans une dynamique de l'échange par rapport à l'environnement, à ce niveau-là. Et c'est sûr que je mets emphase ici sur critiques constructives, parce que des gens qui font des critiques destructives ou qui n'apportent rien de créatif, et à ce moment-là, ben là, c'est une perte de temps. Puis de toute façon, je le perçois, puis les gens aussi qui voient le message, que c'est pas supporté vibratoirement par l'énergie éthérique. Car le propre d'une critique constructive, c'est que toujours une vibration éthérique qui est derrière ça. Et les gens, la vibration éthérique ne cherche pas à amener la personne à s'abaisser vibratoirement, à la culpabiliser. Il y aura pas de propos méprisants par rapport à un être humain pour chercher à l'infantiliser derrière ça. Le propre de l'énergie éthérique, c'est de manifester un propos qui, dans une optique d'un respect intégral de l'être humain, et d'amener l'être humain plus loin dans sa compréhension du réel. Donc, une certaine objectivité qui se rattache à l'énergie de la teneur des propos qui peuvent être tenus. Donc, ceci dit, c'est ce qui complète à présent cet enregistrement audio. Je vous remercie de votre écoute comme à l'habitude et je vous dis à bientôt. Au revoir.